France Culture, Christine Bernard. Une histoire particulière. Ce week-end, c'est la 15e édition de la Nuit européenne des musées. C'est l'occasion pour tout le monde de partir à la découverte de plus de 3000 musées et de leurs richesses partout en France et en Europe. Alors je vous emmène à Londres, à la National Gallery. Le tableau qui est devant nous est la promenade matinale de Thomas Gainsborough, une des œuvres les plus célèbres du peintre anglais. Il montre un couple élégant, William Hallett et Elizabeth Stephen, en promenade en forêt avec leur chien. Tous deux, âgés de 21 ans, ils étaient sur le point de se marier pendant l'été 1785, peu après la réalisation de ce tableau, précise la National Gallery. Mais en mars 2017, un homme surgit, armé d'un tournevis et le bras levé fonce sur le tableau. Keith Gregory, âgé de 63 ans, un sans domicile fixe, sera rapidement maîtrisé. Les dégâts se limitent à deux longues rayures qui ont pénétré les couches de peinture, mais pas la toile. Ce n'est hélas pas la première fois qu'un tableau de la National Gallery subit un acte de vandalisme. Souvenez-vous, 1914, vous ne vous en souvenez pas? Alors Charlotte Bien-Aimée d'Ify Mariani vous raconte tout de suite cette histoire. Indignation à la National Gallery. Le célèbre tableau de Velázquez, The Venus Rockaby, communément appelé la Vénus au miroir, présenté à la National Gallery depuis 1906, a été mutilé hier matin par la suffragette Mary Richardson, militante activiste notoire. Elle a attaqué le tableau avec un petit hachoir à la lame longue et aiguisée, semblable à celle des instruments utilisés par les bouchers. En quelques secondes, elle lui a infligé des blessures aussi graves que irréparables. Suite à cet outrage, les portes de la National Gallery resteront fermées jusqu'à nouvel ordre. Les blessures de Venus. Première partie. Pourquoi attaquer la beauté ? Le mardi 10 mars 1914, il fait plutôt beau et une femme qui s'appelle Mary Richardson descend de l'autobus et se rend à la National Gallery. Elle a un tailleur en serge, dans un tissu assez épais qui la couvre bien, un grand chapeau dont elle espère qu'il va un petit peu la masquer. Et dans la manche de ce tailleur, elle a installé une hache, une petite hache toute neuve qu'elle a achetée la veille chez un coutelier. Et elle arrive donc au musée munie de sa hache cachée dans sa manche. Comme une condamnée monte à la potence, en s'appuyant à chaque pas à la rampe de fer, Mary gravit les marches qui mènent à l'entrée. Tout en vérifiant d'un coup d'œil qu'aucun des agents de police ne guettait les abords de la rue, elle rabattit sur ses yeux le bord de son chapeau. Celui-ci, masculin de forme, en feutre clair, avait une épingle en ombrelle chinoise aux couleurs du mouvement des suffragettes, violet, blanc et vert. Il y avait beaucoup de monde ce jour-là. Je me suis mêlée à la foule dans le grand escalier. À l'endroit où ils se séparent en deux, je me suis arrêtée. De là, je pouvais voir The Venus. Elle entre dans la salle, elle s'approche du tableau et là, horreur, déception, elle se rend compte que sur la banquette de cuir rouge grenat qui n'a pas dû changer depuis 1914, sont assis deux types en civil qui ont tout l'air mastoc comme ça devant le tableau. Un garde et deux policiers robustes juste pour regarder cette belle dame s'admirer dans son miroir. elle se met à errer dans le musée en espérant que les détectives vont partir en attendant qu'ils s'en aillent. Je suis allée vers une autre galerie avec mon carnet à dessin et j'ai fait d'assez bons croquis malgré l'inconvénient d'un hachoir de boucher caché dans ma manche gauche. Elle va de salle en salle en marchant trop vite, puis elle se force à ralentir. De temps en temps, un tableau l'attire parce que c'est quand même une femme qui aime la peinture. Elle a fait des études d'art. Elle ne peut pas s'empêcher d'être attirée. Elle se calme un petit peu, mais sa main tremble. Enfin, elle essaie de se donner une contenance. À d'autres moments, elle est reprise de panique, donc elle se met presque à courir de salle en salle. Elle revient dans la salle. Elle regarda sa montre. Il y avait plus d'une heure qu'elle divaguait à travers le musée. Le temps jouait contre elle. Elle risquait d'être repérée. Elle retourna dans la salle de la Vénus. Les policiers en civil n'avaient pas bougé. Ils étaient toujours assis, côte à côte, les jambes écartées, pas lourds, sur la riche banquette de cuir grenat. Elle alla s'asseoir au bout de la banquette. Elle calcula du regard le bond qu'il lui faudrait faire pour atteindre sa victime. Au reflet de l'ampoule sur la nuque de la Vénus, Marie comprit que le tableau était recouvert d'une vitre dont elle ne pouvait deviner l'épaisseur. Elle regarda sa montre. Il était midi. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, nous pouvons dire que le tableau mesure environ 1,20 m sur 1,80 m. Il représente Vénus, un merveilleux et gracile personnage féminin, allongé sur une couche presque nue, le dos tourné vers le spectateur. Elle se regarde dans un petit miroir qui montre le reflet de son visage, tenu devant elle par un délicieux petit cupidon. Cette Vénus est la déesse de la jeunesse et de la santé, la perfection faite femme au moment où elle passe du bourgeon à la fleur. On sait que dans la salle, il y a ce jour-là, se tiennent au moins 3 personnes en plus des visiteurs. Un employé du musée qui est en train de réparer, de changer une ampoule au plafond. Et vous levez la tête, vous voyez que le plafond est très haut, donc il est sur une échelle très très juchée, sur une échelle très très en hauteur. Il y a les deux inspecteurs de police. Et il y a un gardien, dont on a même le nom, il s'appelle Monsieur Atkinson, qui se tient, comme se tient un gardien de musée, dans l'embrasure d'une des portes de la salle. Donc ça fait beaucoup de monde. Et le gardien s'ennuie et regarde plutôt du côté de l'employé qui est en train de changer une ampoule. Le moment approchait. L'un des deux policiers étendit ses jambes, bâilla, et sortit de sa poche un journal qu'il déplia. Je saisis l'opportunité et me rua sur la toile. D'un coup, elle cassa la vitre et fit une entaille profonde à la Vénus, à la base du cou, entre les deux épaules. À la plus belle ! À la plus belle des femmes au monde ! Je criai de toutes mes forces. Au bruit du verre brisé, le policier jeta son journal et, croyant que l'homme qui changeait les ampoules avait lâché la vitre du plafonnier, se précipita en direction de l'échelle. Mon premier coup de hache brisa la vitre protectrice. Marie frappait et frappait encore. Le gardien de salle courut mais glissa sur le sol trop ciré et s'étala de tout son long, la tête heurtant un pied de la banquette. Ce qui me donna le temps de donner 4 coups de plus avec ma hache avant que je ne sois finalement attrapée. À ce moment-là, la police lui dit « Est-ce qu'il y en a d'autres comme vous dans le musée ?» parce qu'on a très très peur des attentats de suffragettes en 1914 et donc on s'attend à ce qu'il y en ait d'autres. Et elle aurait répondu, c'est ce qu'elle dit en tous les cas. « Oh, I expect so. » J'espère bien. Donc, panique évidemment dans tout le musée qui ferme. Mary Richardson, suffragette meurtrière. Le premier coup, tel un coup de grâce, a été porté à la nuque. Une lacération sauvage est visible près de l'épaule gauche. Une plaie cruelle lacère la taille. Thank you. L'attaque du tableau provoque l'émoi du public. Mary Richardson a gagné. Toute l'attention est portée sur son acte et donc sur la cause qu'elle défend, le droit de vote pour les femmes. Mais pourquoi s'en prendre à une toile avec une telle fougue? Et par cette fois, avec un hachoir à viande? Mary Richardson lacère-t-elle la Vénus parce qu'elle la considère comme outrageante? Ce fait divers ne serait donc qu'un acte caricatural contre l'affichage du nu? L'affaire semble plus compliquée. Pour comprendre, peut-être faut-il d'abord se replonger dans l'histoire du tableau lui-même. Quand elle choisit ce tableau, Mary Richardson, je pense qu'elle ne le fait pas par hasard. Parce qu'il me semble qu'il y a eu cet engouement justement autour de ce tableau lors de son achat par la National Gallery à Londres. Et ça a été acheté visiblement aussi avec des financements qui venaient de personnes privées, comme ça se fait beaucoup encore aujourd'hui à la Tête Moderne à Londres. Hein. Les tableaux sont achetés avec des fonds aussi privés qui viennent se mixer en permanence avec des fonds publics. Et donc, les personnes pensaient que cette œuvre, d'une certaine manière, leur appartenait aussi. Qu'elle était bien publique, qu'elle faisait partie du patrimoine anglais de cette époque. Et donc, Mary Richardson, tout d'un coup, elle vient casser cet engouement, elle vient fracasser une œuvre qui a été difficilement acquise, dans laquelle beaucoup de personnes ont investi, qui représentait quelque chose de très valorisant, un acquis majeur du musée. Donc, elle s'attaque à un symbole. Quand Mary Richardson s'en prend à la Vénus, elle touche donc à la nation. Mais elle s'inscrit aussi dans une lutte radicale. Depuis 40 ans, les citoyennes anglaises réclament le droit de vote de façon légale au sein du mouvement suffragiste qui négocie avec les gouvernements, organise des rencontres et des manifestations autorisées. Mais tout cela ne semble aboutir à rien. Frustrées, certaines militantes, sous l'influence d'Emmeline Pankhurst, créent en 1903 la WSPU, l'Union sociale et politique des femmes, avec pour slogan « des actions, pas des mots ». Les lois étant injustes et faites par et pour les hommes, elles appellent à la désobéissance et lancent des actions inouïes. Elles s'enchaînent aux grilles du Parlement, multiplient les manifestations interdites, attaquent des vitrines de magasins, mettent le feu aux boîtes aux lettres, brûlent des bâtiments publics. Tout est bon pour faire parler d'elles, même en mal. En fait, ça fait déjà quelques années que les journaux, en particulier les magazines, font leur chou gras des choses très exceptionnelles que font les suffragettes. Et donc, Richardson est dans les suffragettes et donc finalement, c'est choquant parce que c'est la première fois qu'elle s'attaque à un tableau, mais ça n'est pas choquant qu'elle détruise quelque chose et qu'elle fasse parler d'elle, puisque le pays a l'habitude depuis 7 longues années, disaient les contemporains, les suffragettes non seulement nous enquiquinent, mais sont dangereuses et détruisent systématiquement la propriété. Mais pourquoi s'attaquer à un tableau? Pourquoi à ce tableau-là? Une magnifique femme nue, peinte si délicatement qu'on la croit réelle, allongée sur un tissu d'un bleu puissant. D'une certaine façon, on ne le saura jamais. Au fond, pourquoi décide-t-on d'attaquer un tableau? Pourquoi ce tableau? On ne peut faire que des hypothèses. Il y a une première déclaration qu'elle fait au poste de police, et puis donc ça paraît dans la presse dès le lendemain, et qu'elle refera pendant son procès, qui est la phrase suivante: la plus belle des femmes au moral est martyrisée par l'État anglais. Cette plus belle des femmes au moral, c'est la chef des suffragettes qui s'appelle Madame Emmeline Pankhurst, qui faisait des grèves de la faim, qui était une femme âgée, et donc elle la décrit comme la plus belle des femmes au moral. Et alors elle dit que puisque la couronne mettait en danger de mort la plus belle des femmes au moral, elle avait voulu tuer symboliquement la plus belle des femmes au physique, qui est la Vénus de Velázquez. J'ai tenté de détruire la peinture de la plus belle femme de l'histoire mythologique pour protester contre le gouvernement qui détruit Mrs. Pankhurst, la plus belle figure de l'histoire moderne. Mrs. Pankhurst cherche à obtenir la justice pour la femme et pour cela, elle est lentement assassinée par le gouvernement. J'ai été une étudiante en art et je tiens autant à l'art que tous ceux qui étaient dans le musée quand j'ai réalisé mon acte. Mais je tiens davantage à la justice qu'à l'art. Et je crois fermement que quand une nation préfère maltraiter et torturer les femmes qui luttent pour la justice. Une action comme la mienne devrait être compréhensible. Je ne dis pas excusable, mais elle doit être comprise. Opportunity to demonstrate that as women are equal to men in their labors, so they should be equal to men in their right to vote. Si Marie Richardson s'offusque tant de la santé de sa leader, Emmeline Pankhurst, c'est parce que quelques jours avant l'attaque, elle a été de nouveau emprisonnée, comme le sont toutes les suffragettes, depuis plusieurs années. Autant les suffragettes du WSPU font attention à ne blesser personne, et surtout pas d'animaux de compagnie. No people, no pets. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'il s'agit que personne ne meure. Autant le gouvernement avant 1913 réprime très très fortement le corps féminin. Alors, on a toutes sortes d'épisodes. On a 1909, la police laisse les badauds, si je puis me permettre, tripoter et forcer les femmes. Donc, les femmes se retrouvent avec des vêtements déchirés, etc., dans les manifestations. Ensuite, on a une manifestation très, très dure en 1910, où la police charge à cheval. Faut penser à la taille d'un cheval, hein, le bâton, le cheval, et charge les groupes de femmes dans les manifestations interdites du WSPU. Et puis, une fois qu'elles sont arrêtées, à partir de 1909, elles font la grève de la faim. Elles réclament le statut politique de prisonniers politiques qu'elles n'obtiennent pas. Et comme elles font la grève de la faim, on a toutes sortes d'épisodes jusqu'en 1913 qu'on va appeler le gavage, c'est-à-dire qu'on va les nourrir de force et ça va être très très dur et y compris les gens qui sont contre les suffragettes vont être absolument indignés qu'un gouvernement démocratique puisse traiter les femmes de cette façon-là. Alors le gavage, c'est extrêmement physique, c'est-à-dire qu'on garde la bouche ouverte des femmes et on utilise un spéculum, c'est-à-dire qu'on garde cette bouche grande ouverte, on introduit un tuyau à l'intérieur. Donc il y a des descriptions absolument terribles de gavage qui s'apparentent à des viols en fait. Hein. Ça n'est pas le vagin ni l'utérus, mais c'est la bouche et la gorge. Quand les muqueuses sont trop abîmées à cause du spéculum, donc parce que ça saigne, etc., elles se débattent, donc on utilise le nez avec des tuyaux beaucoup plus petits, on les gave de force par le nez. Donc elles sont nourries de force en prison et quand leur santé est trop délicate ou quand elles vont mal, il y a une loi en 1913 qui a été votée pour les libérer le temps qu'elles se remettent un peu et ensuite quand elles vont mieux, elles sont censées revenir et finir leur peine, ce qu'elles ne font jamais bien entendu. Donc Richardson, c'est exactement ça. Elle a été emprisonnée pas mal de fois. Donc à partir de 1913-1914, elle devient très connue parce qu'elle a été, je crois, c'est 9 fois emprisonnée. Elle joue du fait qu'elle est en très mauvaise santé. Donc on l'arrête, on l'emprisonne et elle est tout de suite libérée parce qu'elle refuse de s'alimenter et elle est en très mauvaise santé. Donc on la libère pour qu'elle aille mieux. Et à chaque fois, elle revient, mais elle revient parce qu'on l'arrête à nouveau en fait. Et c'est la fameuse loi de 1913 qu'on a appelée la loi du chat et de la souris. C'est-à-dire on joue un peu à cache-cache avec les suffragettes sont les souris et le gouvernement est le chat et il essaye de les attraper. Mais les suffragettes n'étaient ni des souris ni des proies faciles. Elles ne tombaient pas dans les pièges tendus. Et même affaiblies, elles poursuivaient leur chemin vers la liberté. My most important job was my own suggestion, which aim was to help Mrs. Pankhurst was being slowly done to death by a lengthy imprisonment and hunger strike. The public did not care about this living woman, but I knew they would care if I cut up a lady on canvas who bore financial and artistic value. Mrs. Pankhurst mourait à petit feu à cause de la prison et des grèves de la faim. C'est ce que j'ai voulu dénoncer. Le public n'en avait rien à faire de la vie de Mrs. Pankhurst. En revanche, il s'offusquait devant la mise à mort d'une femme sur un tableau. Résumons. Mary Richardson s'attaque à la Vénus parce qu'elle appartient à la nation. Une nation qui se soucie peu du sort des suffragettes. Mais n'est-elle pas aussi saisie par la beauté de ce tableau, seul nu connu de Velázquez et peut-être le seul nu de toute l'Inquisition espagnole? Non seulement ce corps est nu, mais il est extraordinairement libre. C'est un corps non corseté, c'est un corps magnifique, c'est un corps dans toute sa santé, c'est un corps heureux. Or, le corps des femmes espagnoles de la cour au XVIIe siècle, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était un corps contraint. Vous imaginez, quand vous regardez la peinture espagnole du XVIIe siècle, le système absolument cruel de corsets, de fils, de baleines, de bouts d'osier, de bouts de fer, enfin tout ce qu'on mettait autour du corps d'une femme pour leur faire porter ces jupes invraisemblables que l'on appelle des vertugadins, dans lesquelles les femmes de la cour ne pouvaient pas s'asseoir. Elles portaient aussi des soieries, des velours, enfin des trucs, c'était des kilos de pierreries. C'est invraisemblable ce que l'on fait subir au corps de ces femmes dans la haute société madrilène du XVIIe siècle. Et le corps de Vénus est un corps complètement libre par rapport à ça. Non seulement elle est nue, mais il n'y a pas de nudité au XVIIe siècle. On n'est jamais nu. On n'enlève jamais un minimum de caraco, de chemise, de trucs comme ça. On n'est jamais nu comme elle est nue. Et elle, Mary Richardson, elle est en prison tout le temps. Et là, en prison, c'est ce qu'on appelle une contrainte par corps. Il y avait tout un rituel d'humiliation des corps. La douche collective, des savons dégueulasses, des habits qu'on leur donnait, les habits de prisonnières, pas très propres, volontairement rêches, abîmés, des uniformes humiliants. Enfin, il y a quelque chose qui se joue là aussi, autour du nu, de l'habillé, du vêtement, du corps de la femme, etc. Et puis, pour en rajouter encore, elles font ces grèves de la faim. Donc elles maigrissent, donc leur corps est atroce. Il y a des sanies, il y a des vomissements, il y a des... Le corps se délite quand on ne mange pas pendant plusieurs jours, et c'est ce qui leur arrivait. Donc cette femme qui regarde ce tableau, elle a elle-même un corps probablement non seulement très amaigri, mais très, très humilié, très infect, au sens propre du terme. Et la femme qu'elle admire, en plus d'être une dame âgée, a aussi un corps de prisonnière, et un corps de prisonnière qui vit des grèves de la faim, et qui vit ensuite des tortures, parce qu'on torturait ces femmes en les obligeant à manger. Donc il y a eu aussi une espèce de choc comme ça, de cette espèce de contraste incroyable entre la grâce parfaite de ce corps peint et l'humiliation, la tristesse, la contrainte des corps réels des femmes du XVIIe siècle et des femmes suffragettes, prisonnières, etc., de l'Angleterre de 1914. Et là, je pense qu'il y a une sorte de choc, quelque chose qui a été littéralement insupportable. Près de 40 ans après l'attaque, Mary Richardson donna une deuxième explication à son geste. Elle n'aimait pas les regards des hommes sur ce tableau. Et je n'aimais pas non plus la façon dont les visiteurs masculins du musée restaient bouche bée devant The Venus, à longueur de journée. Une nouvelle justification peut être portée par l'émergence de la deuxième vague du féminisme dans les années 50. Elle voulait montrer aux hommes que leur trésor ne serait plus jamais en sécurité tant qu'elle n'aurait pas obtenu le droit de vote. Chez les suffragettes, il y a cette volonté de s'attaquer aux canons représentés, des nus féminins. Je ne pense pas que ce soit par pudeur ou par des choses de cet ordre-là, parce que je pense qu'elles étaient assez informées côté histoire de l'art pour ne pas être dans quelque chose de cet ordre de la pudeur, mais plutôt dans le fait que ce sont des hommes artistes qui représentent effectivement des corps de femmes lascifs. Donc il y a, je pense, quelque chose d'une volonté aussi de s'en prendre au symbole d'une femme passive qui est là pour répondre aux désirs des hommes, mais qui n'est pas proactive, qui n'est pas maîtresse de son destin, qui ne peut pas agir pour sa propre vie, qui ne peut pas voter, donc qui ne peut pas influer sur le cours et le destin de son pays et de sa propre vie. Aujourd'hui, les blessures de Vénus ne se voient plus. Le tableau a très vite été restauré après l'attaque. Il faudrait vraiment se pencher très près de son corps et s'aider de la lumière pour peut-être réussir à entreapercevoir quelques restes de coups de hachoir. Encore faut-il connaître l'histoire. Rien dans le musée ne raconte l'attaque aux visiteurs. Aucun document, aucune annotation. Et la National Gallery se refuse toujours, ne serait-ce qu'à évoquer l'histoire scandaleuse de la Vénus au miroir. Pour moi, c'est une chair peinte dans une manière très réaliste. Moi, je suis devant cette toile et je crois que c'est une femme réelle. C'est-à-dire une femme avec une présence très physique. Nous la voyons de dos, mais ce qui est très intéressant dans ce tableau, c'est que nous voyons aussi son visage. Parce que aussi sur le lit, il y a un petit cupidon qui tient un miroir. Et c'est à nous à imaginer le corps vu de face. C'est à nous à imaginer vraiment le visage, parce qu'en fait, nous avons ce visage dans le miroir, mais c'est un peu obscur. Nous n'avons pas tous les détails très fins. Pour moi, c'est une représentation, oui, de Vénus, de la déesse de l'amour, mais plus de ça, c'est une représentation de la beauté idéale. C'est-à-dire, c'est impossible de représenter la beauté idéale. Et c'est à nous qui regardent le tableau, qui doivent faire le travail. Nous devons imaginer son forme, nous devons imaginer son corps, son visage. Et vraiment, cette petite... Juste sur sa joue, il y a un petit peu de pain rouge. Pour moi, c'est vraiment l'invitation de continuer où Velázquez a arrêté, d'imaginer son visage. Je n'ai pas eu le temps de compter les hachures, mais j'ai entendu tous les détails à mon procès. And I was quickly overpowered, bundled into a taxi, driven back to home sweet home, Holloway Prison. Je fus très rapidement maîtrisé, jeté dans un taxi pour être envoyé à la prison de Holloway. So near. Yet so far could they have only known how like life, within reach of our objective, yet we pass by. Puissent-ils au moins savoir que comme la vie est dans la poursuite de nos objectifs, nous irons jusqu'au bout. La suite du documentaire Les blessures de Vénus, ce sera demain à 13h30.